Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, si nous sommes réunis en ce jour, c'est pour nous souvenir de Nostalgique. Entre ici, Nostalgique, et ton cortège de jeux vidéo rétro, ton amour de Jack Frost, tes longues parties de Dark Souls et tes cryptcasts. Tu as été fauché dans ta jeunesse. Ça va là, tranquille, je dérange pas. Mes amis, il est ressuscité, alléluia! Attends, déjà, tu vas me couper la réverb. Et ensuite, c'est quoi cette histoire de mort? En fait, comme ton podcast était un peu au ralenti, je me suis dit que j'allais le reprendre et pour faire le buzz, je me suis dit qu'il fallait jouer sur l'émotion. Et donc tu m'as tué? Un peu, mais bon, je pensais à un effet Michael Jackson. Décès, tristesse, tristesse, doudou, doudou, vente de disques, pognon de dingue. Mais on vend pas de disques et le podcast il rapporte rien. Effectivement, c'est le point faible de mon raisonnement. Oh putain. Bon, et tu voulais parler de quel jeu? BioShock. Tu sais, l'histoire d'un gars manipulé par un mégalomane qui veut prendre la place d'un autre mégalomane. Ah oui, effectivement, ça me dit quelque chose. Bah vas-y, enchaîne, je vous prie. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington, cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican, cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou, cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs. Où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine. Où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Bon alors du coup, ce soir, le Corbeau avait envie de nous parler de BioShock. Alors pour synthétiser très brièvement, BioShock est une sorte de FPS narratif des studios Irrational, si je ne me trompe pas, ceux qui étaient à l'origine de la série des System Shock, notamment. Et si vous voulez vraiment des trucs de grande qualité sur BioShock, hein, à part ce podcast qui sera évidemment au top, en deuxième et troisième position, vous pourrez trouver justement une vidéo d'Alt236 sur sa chaîne YouTube, vidéo ô combien excellente, comme toutes ses productions, et également un livre chez Sœurs d'édition qui est vraiment très très documenté, très très dense, et qui s'appelle BioShock de Rapture à Columbia, qui en plus revient sur BioShock 1, 2 et sur Infinite, et justement sur ce qui lie les trois BioShock. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons que du premier, tout d'abord parce que le deuxième est à mes yeux assez dispensable, et que je n'ai pas fait le troisième. Donc comme ça, ça simplifie les choses. Voilà, maintenant qu'on a un petit peu posé les bases, je pense que le Corbeau va nous en dire un peu plus sur BioShock. Effectivement. Alors, je peux dire en toute honnêteté que pour moi, BioShock, c'est quand même une étape dans le jeu vidéo en général, quoi. Pas peut-être par sa technique, pas forcément son gameplay, mais je trouve que, même si le gameplay est plutôt pas mal, hein, le mélange armes, pouvoirs, etc., mais c'est surtout l'histoire de base. Le matériau est vraiment très riche, quoi. Il y aurait de quoi faire un, voire plusieurs films, et vraiment un monde et un univers assez étendu, quoi. Peut-être même mieux qu'un film. Une série, le temps de voir, je sais pas, l'avènement de la cité sous-marine Rapture, après sa destruction, le retour des personnages, etc. Je trouve que c'est vraiment un monde très, très riche, impressionnant, hein, très impressionnant. Mais pour simplifier un petit peu, je vais d'abord raconter le début de l'histoire. Le jeu commence dans les années 60 à peu près, 50-60. Le personnage principal, Jack, se crache en avion, en pleine mer, pas de bol, hein, mais heureusement, son avion, justement, est tombé à proximité d'un phare, une sorte de petit îlot en plein milieu de l'océan. Et en fait, cet îlot, ce phare, il se rend compte qu'il s'enfonce dans la terre et qu'il lui permet d'accéder via une sorte de bathyscaf, un petit sous-marin, à la cité merveilleuse, enfin, plus ou moins telle qu'elle a été conçue au départ, j'entends, la cité merveilleuse de Rapture, une ville construite par un milliardaire, Andrew Ryan, C'est une société utopique pour se protéger de toutes les influences extérieures, du communisme, du capitalisme et de tout ce qui des gouvernements qui pourraient avoir une influence pour pouvoir créer son monde nouveau à lui. Voilà. C'est en gros, si je ne me trompe, tu peux me reprendre si j'ai oublié quelque chose. C'est la base de Rapture. On arrive dans cette cité qui a sombré, donc qui est un peu en ruine et qui est située sous la mer. Voilà. En gros, c'est ça. Ouais. La cité, elle a sombré au sens littéral du terme. Hein. C'est pas, elle était déjà sous l'eau. Elle a déjà été construite sous l'eau. Et oui, effectivement, on débarque dans une cité qui est à l'agonie. Je vais pas dire à l'abandon parce que c'est pas franchement le cas. C'est vraiment à l'agonie. La population dedans a complètement dégénéré, tout a complètement dérapé, et on se retrouve embrigadé là-dedans sans réellement savoir pourquoi. Parce qu'effectivement, l'avion se crash, on descend. Alors, en tant que joueur, c'est vrai qu'on se dit, on prend les commandes vraiment, on est au milieu de l'eau et l'avion est en train de s'enfoncer. Et on se dit, je suis dans l'eau, je rentre dans le phare. Déjà, quand on passe la porte, on a une statue immense au-dessus de nous d'Andrew Ryan qui nous regarde et on a le panneau ni Dieu ni Maître, pardon. C'est pas ni Dieu ni Maître, c'est... Si, je crois que c'est un truc comme ça. Genre, ni Dieu, ni politicien, juste un homme. Mais quand même, l'image, la statue qu'on a au-dessus de nous est 15 fois plus gros qu'un homme et nous regarde de haut. Donc, il y a déjà un petit côté mégalomane dans le personnage qui s'inscrit ici. Et quand le bathyscaphe descend, on voit toute la cité de l'extérieur. On prend vraiment pleine mesure, déjà à ce moment-là, de la taille de l'aventure qui nous attend. Et quand le bathyscaphe arrive en bas, le premier truc qu'on voit, c'est quelqu'un se faire défoncer la gueule bien violemment sous nos yeux. C'est et ça. Une petite voix qui nous dit « Allez, vas-y, sors !» Bien sûr. C'est ça. Ouais, t'es moyen chaud à ce moment-là. Je suis avoué que j'ai passé 5 minutes dans le bathyscaphe à me dire « Je sors pas, je peux pas remonter, comment on fait ?» Je vais juste faire une petite parenthèse sur l'arrivée à Rapture. Moi, elle m'a fait penser au film Abyss. Tu sais, Ed Harris... Et dans sa combinaison, et que l'extraterrestre, on va appeler ça comme ça, le prend par la main, et tu sais qu'il nage sous l'eau, et puis d'un coup, il passe une sorte de montagne, et là, tu vois toute la cité engloutie, toute la ville des extraterrestres. Et ben, t'as cette même impression dans le bathyscaphe. Au début, t'as des poissons, tu te balades, tu vois des récifs marins, et puis d'un coup, t'apparais au milieu de Rapture. Le cinématique de départ, elle envoie du lourd. Honnêtement, elle envoie du lourd. Comme je disais, moi, ça m'a fait forcément penser à ce film. C'est très fluide. Et puis, tu as tout de suite la sensation d'écrasement quand tu arrives. Tu es dans un environnement absolument gigantesque. Et y a ça qui joue très, très fortement. Et puis, ça t'imprègne bien. C'est-à-dire que tu n'as même pas passé 5 minutes de jeu et déjà dans l'ambiance. C'est-à-dire que c'est pas graduel, quoi. Tu arrives, tu te retrouves, comme tu disais, à la sortie du bathyscaphe, un mec qui se fait défoncer la gueule, l'autre taré qui s'enfuit en poussant des cris stridents. Et puis voilà, là on te laisse comme ça, si on peut dire, avec ta bite et ton couteau. Et t'es dans le noir. Hein, et t'es dans le noir. Voilà, alors des questions ambiance, ça commence très très bien. Oh. Hein, elle est palpable. Prévoyez des... Ouais. Je mettrai une petite nuance, c'est pas ta bite et ton couteau, c'est ta bite et ta clé anglaise. Excuse-moi, oui, faut être précis. Voilà. Ta bite et ta clé anglaise, voilà. Et donc, ça te met bien dans l'ambiance. Et si vous avez des problèmes de sphincter, faites-les soigner avant. Voilà, c'est un conseil. Et c'est d'autant plus violent que la descente a un côté vraiment magnifique, parce que la cité sous l'eau est superbe, elle est vraiment sublime. Et... C'est féerique, et puis là, t'as un contraste absolument terrible quand t'arrives dans la cité, c'est-à-dire tu vois la magnifique cité, puis t'arrives, tu pensais être à Neuilly-sur-Seine, tu te retrouves à Aubervilliers. Grosso merdo. Et voilà. C'est vrai que si je me souviens bien, quand on arrive aussi, le mec se fait tuer, il y a des pancartes au-dessus comme quoi il y a des contrebandiers, et que les contrebandiers, on les exécute. C'est ça, et... toujours pour l'ambiance. Pour l'ambiance, et par contre, alors pour avoir fait le jeu plusieurs fois, je pense que ça fait partie de la narration émergente, parce que l'histoire des contrebandiers, entre guillemets, elle revient pas vraiment dans le storytelling du jeu. Je m'en rappelle pas. À un moment, on doit aller chercher un autre sous-marin qui doit leur servir, mais en dehors de ça, les contrebandiers, à aucun moment, on en entend réellement parler, il me semble. Mais par contre, tout de suite, ça te pose un truc de dire, les contrebandiers, on les exécute. Ok, il n'y a pas de négociation, ça pose le truc. C'est ça. Et c'est vrai que là, j'ai dit le mot narration émergente, c'est aussi BioShock, c'est un maître étalon de la narration émergente. Quand on fait le jeu, on a une espèce de petite boussole dans notre UHD qui s'affiche, Ce qui fait qu'on a un peu tendance à rusher le jeu, mais même si on n'avait pas cette petite boussole, en fait, on est vraiment dans une ville qui a été pensée pour être habitable et praticable. On a des panneaux qui nous indiquent tel et tel quartier, on sait où on va, et ce qu'on a besoin de savoir, en fait, est affiché sur les murs ou dans les audiovox. Ce qui fait qu'on a très très peu d'informations, on va dire, hors diégèse. Tout à Et il y fait. a un sacré tour de force. Oui, alors déjà le monde est assez vaste. Il est vaste, mais t'es pas limité. T'as pas du genre des zones que tu vois, mais auxquelles tu peux pas accéder. Enfin, sauf si t'as pas encore le droit d'y aller, mais tu vois, tout ce qui est visible sera accessible forcément au bout d'un moment. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis surtout, on parlait de la beauté de Rapture, mais et de la beauté et de l'ambiance, c'est dû au fait, c'est un peu du. Je ne sais pas si j'utilise le beau terme, du rétro-futurisme. C'est-à-dire que c'est censé se passer dans les années 60. Et donc, mais c'est des années 60 un petit peu, Bah, dystopique. comment dire, oui, dystopique, rehaussée. Ces années 60, voilà, où toute la science de l'époque aurait pu être mise, comment dire, a été mise dans la cité pour la, comment dire, pour en faire la cité la plus évoluée, du monde. Voilà. Donc, il y a. Toujours ces ambiances, ces vieilles affiches, comme tu pouvais le voir dans l'Amérique des années 50-60, de publicité, les machines qui n'utilisent pas vraiment d'électronique, mais du genre des mécanismes, des lampes, des choses comme ça, et ça joue très très fortement sur l'ambiance aussi de cette ville, Ouais, sur quoi. la direction Tu es artistique. perdu dans un coin du temps, voilà. Et oui, quand on parlait des affiches des années 50, bah ça, il y a tout le côté art déco, puisque la cité de Rapture est censée avoir été construite dans les années 56, je crois, sous réserve, hein, j'ai pas les dates exactes en tête. Et du coup, on a tout le style art Ouais, je dis les déco. années 60 en général parce on y est Bah nous, bien je crois quoi, qu'on ouais, dans le on y arrive style. en 60 pile, parce que c'est le nouvel an 59 qui dégénère complètement, et des affiches un peu partout. Donc, je Voilà. crois. Encore une fois, c'est sous réserve. Hein. Les dates, je ne les ai pas exactement en tête. Mais ouais, on a tout ce style art déco qui fait un peu penser au Chicago des années 50, tel qu'on a pu le voir dans pas mal de films. Il y a aussi un petit côté, forcément, enfin, d'un film que moi j'adore, qui est Dark City, ou le côté néo-noir, tu vois. Et à côté Oui. de ça, effectivement, on a beaucoup de grosses plaques de métal boulonnées, bien ferré, parce que bah, c'est du lourd quand même sous la mer, faut soutenir la pression. Et comme tu dis, il y a un côté Ça. rétro-futuriste, moi ça me fait beaucoup penser à Jules Verne en fait. J'aurais pas trouvé déconnant de voir le Nautilus passer par une baie par exemple. Tout à fait, c'est un très bon point, effectivement. Enfin, peut-être qu'on a aussi l'image du Nautilus de 20 000 lieues sous les Pour mers moi c'est sûr, parce que c'est de là que j'ai. Disney aussi. Voilà, c'est celui auquel on pense toujours, tu sais, des gros écrous, du métal, enfin de la lourdeur, c'est du steampunk, C'est quoi. ça. C'est ça, en gros, hein, Mais c'est une ambiance c'est du steampunk steampunk, dans ouais. les années 60. C'est ça. Mais c'est vrai que ben, de toute façon, Jules Verne a influencé cette vision. Hein. Le Nautilus de Disney, c'est quand même une représentation du Nautilus qui était gravé dans les premiers livres de Jules Verne, dans les premières éditions de 20 milieux sous les mers. Donc Tout c'est à pas tout fait. à fait déconnant. C'est autre chose que le Nautilus Tout qu'on à fait. voit dans, je crois que c'est Voyage au centre de la Terre 2 avec The Rock. C'est pas. Oui, bah tu vois, j'en ai aucun souvenir, comme quoi il n'est pas marquant, hein, alors que le Nautilus, tu t'imagines tout de suite Ah bah tu le vois. celui du bouquin ou de film des années C'est 50. ça, on dit Nautilus tout de suite, Voilà. tu vois celui-là, celui qui est dans la baie à Disney, enfin le Nautilus quoi, tu penses pas à autre chose. Et du C'est coup, ça, tout à fait. ce Rapture, il est en affiliation directe avec Nautilus. Le Nautilus, c'est l'univers de Jules Verne. Exactement, Et c'est vrai exactement. que pour moi, c'est un bon point, personnellement, j'aime beaucoup. Donc retrouver ce genre de référence dans cet univers, tout de suite, c'est parlant. Qu'est-ce qui t'arrive, Marie? Je crois que tu as besoin d'air montant. Je ne me sens pas très bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir. Parfois, je vois même des choses qui n'existent pas. Tu es en descente de plasmide, Marie. Il faut que tu te calmes un peu sur les injections. Ça va passer en un rien de temps. N'oublie pas que plasmide bien choisi t'embellit la vie. Oui, et donc on peut dire, on arrive, l'ambiance est Ah là. bah oui. Ça, c'est un 10 sur 10, hein, il n'y a pas à chier, c'est très très. Et puis elle est bien poisseuse, pesante, etc. C'est-à-dire que t'as même pas fait une minute de jeu, tu es déjà en train de t'accrocher à ton froc, quoi. C'est Donc ça, puis t'entends l'eau qui goutte partout, tu vois bien qu'il y a des fuites, qu'il y a des trucs comme ça, enfin, ouais, il y a un c'est truc ça, qui a couillé. des mécanismes. C'est ça, l'eau qui s'infiltre, les mécanismes, des bruits, des grincements, des craquements, les rires des maboules. Enfin, ouais, voilà. On serait dans le monde réel, on te dit va là-dedans, tu dis oh, je suis pas Ah, chaud, quoi. Je je suis pas descends pas chaud. du bathyscaphe. Non, non. M'en fous, je me renoyais, mais il n'y a pas moyen. Non, c'est vrai que dans la. Bon, après, on en reparlera aussi de la mort dans BioShock, parce que c'est un traitement un peu particulier, mais. Non, dans la vie réelle, Non. Je veux pas sortir, moi. Non, laissez-moi tranquille, monsieur, je reste. Je suis très bien, j'ai trouvé des gâteaux. Voilà. Foutez-moi la paix. Mais oui, il y a autre chose d'ailleurs qui participe, à, je trouve, à la. Aussi à l'ambiance dès le départ, on te dit que la ville s'appelle Rapture. Alors, je sais pas, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais Rapture, c'est un terme religieux anglais du ravissement. Le moment où mes cours de cathé remontent à très loin, mais où toutes les âmes pures seront appelées par Dieu et tous les autres resteront sur Terre pour être punis, en gros. Donc, déjà, tu as une grosse idée de, j'allais dire, de justice. Non, c'est pas Le de peuple justice, ouais, élu. de peuple élu, mais tu sais bien que cette idée de rapture, en général, c'est juste avant l'apocalypse. C'est ça. Et ça évoque plutôt de dire il y aura quelques élus, mais il y aura beaucoup de morts, quoi. Ah, bah oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, À la seule voilà. différence que là, c'est les Donc, élus qui ont vrillé. oui, ils ont bien parti en sucette. Voilà. Et il y aura beaucoup de morts aussi parce qu'on va les défoncer, finalement. Ah bah oui, bah, ouais. On n'est quand même pas là pour faire de la dentelle, hein, sans blague. Non, on est quand même dans un FPS qui envoie du lourd, on y va au shotgun. C'est ça. Il y a des armes qu'on peut faire évoluer, etc. C'est plutôt pas mal, quoi. Il y a un petit Donc, côté craft assez sympa, ouais. on va continuer dans l'histoire. Donc, bon, on finit par se retrouver face à l'espèce de taré, si je me rappelle bien, qui veut en découdre avec nous. Et on est sauvé par une espèce de mitrailleuse mécanique. Enfin, pas de mitrailleuse mécanique, de sorte de drone, je vais appeler ça un drone, hein, puisque j'ai pas vraiment d'autres termes, une machine Ouais, volante, bah ouais, il y a des drones, ouais. une sorte de petit drone mécanique qui va le mitrailler, et en fait, tu vas faire connaissance avec un certain Atlas, qui va t'expliquer un peu qu'il a réussi à prendre les commandes d'une partie de la ville, et qu'il a besoin de ton aide, et qui va t'expliquer bah, toute l'histoire de Rapture. Voilà. Et donc, Andrew. Bon, ouais, on peut voir ça, ouais. Voilà, donc Andrew et Ryan a créé cette ville utopique, enfin même plutôt dystopique, quoi, voilà, pour n'être que le seul lieu, avoir un certain nombre d'élus et améliorer l'être humain. Et même pas être le seul lieu, parce qu'au final, avec sa philosophie d'objectivisme, il permet aussi que d'autres empiètent sur son terrain. La preuve avec le personnage de. Alors attends, comment il s'appelle lui déjà? Bah, son. Fontaine, avec Fontaine qui empiète clairement sur son terrain, justement en aidant les contrebandiers, il pense, en commercialisant encore plus là-dedans. Et du coup, ça empiète sur son terrain et ça bousille sa philosophie. Mais dans sa philosophie, il l'a quand même laissé faire. Donc, il n'avait pas l'idée d'être le dieu. Il voulait juste que tous les humains en dessous soient libres. Ce qui est une grosse connerie, puisque si chacun fait n'importe quoi, ben. Exactement. Comme disait l'autre, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, quoi. Et donc, J'ai des références, moi, je me fais peur. ah non, mais on a les mêmes, C'est pas mieux. hein. Et donc, ben, cette ville, en fait, elle est partie en cacahuète, c'est-à-dire que tu as Andrew Ryan je vais pas dire, oui, on va dire cloîtré dans une partie de la ville, Atlas qui a besoin de toi, qui au fur et à mesure t'explique l'histoire et qui veut essayer de récupérer sa famille, qui est coincée dans une autre partie de Rapture. Et puis tu as une dernière personne, c'est le docteur Tenenbaum, qui est un médecin et qui va t'aider au fur et à mesure de l'histoire à acquérir des compétences, qui va te donner aussi un autre point de vue et qui va te permettre de domestiquer, enfin de faire la rencontre des petites filles. Les petites sœurs, pardon. Ouais, C'est les alors, petites sœurs, pardon. ouais, c'est les petites sœurs. Ouais, alors, Tenenbaum, on va surtout la croiser dans la deuxième partie du jeu. Alors, on va peut-être prévenir tout de suite qu'on va spoiler comme des gros bâtards le jeu. Bah oui, comme des grosses salles, voilà. Ce jeu a un gros twist au milieu. Alors, si vous n'avez jamais joué au jeu, arrêtez le podcast tout de suite et finissez-le, hein, ça prend une dizaine d'heures. Oui. Parce que ce twist, c'est vraiment un des. Je crois que j'en ai rarement vécu des comme ça et de me dire, putain, je me suis fait bananer. C'est ça. Et ça m'arrive rarement de me dire, mais à ce point-là, de me dire, oh, vacherie, c'est violent. tu te fais mener par le bout du nez pendant une partie du jeu. Très clairement. Et même toi, en tant que joueur, tu te fais mener. Il n'y a pas que le personnage, tu te fais avoir aussi. C'est ça qui est dingue. Et puis après, quand tu comprends comment tu t'es fait mener, tu te rends compte, tu revois tous les messages et tu te dis, purée, je me suis fait avoir. Mais c'est très, très bien amené. C'est un twist c'est ça. Très intelligent. C'est vraiment bien amené. Voilà. Donc, bon, on y reviendra tout à l'heure sur le twist, évidemment. Mmh. Là, on va continuer à dérouler un peu le truc. Effectivement, on a Atlas qui nous demande de l'aide pour récupérer et sauver sa famille. Il faut qu'on aille chercher un sous-marin pour l'aider. Enfin, jusque-là, rien de tellement affolant, à part qu'il faut passer par certains quartiers un petit peu malfamés. Et oui, il faut quand même préciser que si la ville a complètement vrillé, c'est à cause de la dent. C'est une substance que les gens pouvaient s'injecter pour obtenir des compétences un petit peu extraordinaires. S'injecter de la dent, ça devenait les X-Men. L'orphelinat des petites sœurs. Si les choses tournent mal, offrez à votre petite fille la vie qu'elle mérite. L'internat et les cours sont totalement gratuits. Les enfants sont le futur de Rapture après. Il y a quand même pas mal de trucs avec la dent. Mais c'est une substance qui bousille un petit peu le cerveau, qui rend complètement accro et qui déforme physiquement. Donc quand on voit la gueule des mecs qui nous attaquent, c'est comme des accros au crack, hein, qui sont bien défoncés, qui ont besoin de leur dose et qui ont été complètement déformés par le truc. Et la petite blague, c'est qu'on nous dit très très vite dans le jeu, vas-y, injecte-toi de la dent. Oui, c'est ça. Oui, mais j'ai pas envie. Alors au début, on se dit, oui, mais j'ai pas envie de finir comme ça, moi. Et après, on y prend goût, effectivement, d'utiliser tous ses pouvoirs. C'est génial de balancer de l'électricité dans de l'eau, puis de voir tous ces ennemis qui s'effondrent d'un coup. C'est ça. D'ailleurs, ça permet de battre un boss, une espèce de sous-boss très facilement. C'est super de pouvoir enflammer les trucs, de faire fondre la glace, des endroits qui nous gênent ou j'ai à d'autres. En fait, t'as une main qui est utilisée par ton arme. Les armes que tu peux récupérer, et ton autre main génère le pouvoir. Donc, c'est-à-dire que tu peux toujours passer de l'un à l'autre et alterner pour mieux te défendre et combattre. Voilà, ce qui est un peu dommage, c'est de ne pas avoir les deux en même temps. Alors, ça sera réparé dans Bioshock 2. Du coup, ça rend le jeu très, très bourrin. Ah, tu en même temps, dans Bioshock 2, on incarne un Big Daddy. Donc, déjà, niveau bourrin, t'es pas mal. Hein. Arme de base, c'est une espèce de foreuse. Une foreuse de chez foreuse, quoi. C'est, ouais. C'est ça. Donc, bon, niveau bourrinage, tu t'es dit Bioshock 2, c'est bon, on oublie la finesse. Mm-hmm. Mais revenons du coup un petit peu sur le premier plutôt. Donc cet Adam, on s'en injecte des caisses. Hein. Normalement, à la fin du jeu, on a en stock 5 ou 6 pouvoirs tout le temps, plus d'autres dans notre génothèque. C'est ça. Et on est quand même bien bien défoncé à la dent, et pourtant on ne vrit pas. Encore une fois, en général, quand on joue, on ne se pose pas la question, jusqu'au petit twist qui va nous dire « Oh putain, j'aurais dû le voir venir ». C'est ça. Ah, j'adore teaser le twist comme ça jusqu'au moment où on va y arriver, ça va être assez drôle. Donc on y fait. Donc on a ça. On effectue diverses missions sous le patronage d'Atlas, hein, qui nous fait en même temps découvrir les différents quartiers. En fait, cette étape, elle nous permet surtout et de découvrir la ville et puis de monter en compétences, rencontrer des ennemis, etc. Et comprendre ce qui a petit à petit vrillé et comprendre l'histoire de Rapture. Et non seulement on va comprendre l'histoire de Rapture, et en plus il y a un autre truc qui va jouer, c'est dans la façon de découvrir l'histoire et de parcourir le monde de Rapture, c'est qu'on va vite se rendre compte que Rapture est une ville quand même scientifiquement évoluée, et qui a des tourelles mécaniques, des drones comme tu l'as dit, des Big Daddy. Alors les Big Daddy, c'est des espèces de... Hein, pour ceux qui voient les combinaisons de sous-mariniers dans justement le 20 milieux sous les mers des années 50 de Disney, des espèces de grosses combis en cuir et des chaussures en plomb, un casque énorme, les scaphandriers, ouais, c'est ce que je cherchais. Tout stéroïde. Hein. Ouais, alors imaginez, on a collé The Rock dans un costume de scaphandrier, on y a foutu une foreuse dans une main et une mitrailleuse dans l'autre. Voilà, en gros. Grosso modo. C'est ça. Et on lui a enlevé le cerveau, donc déjà, on l'a enlevé le cerveau, on l'a manipulé en tout cas, pour que tout ce qui s'approche des petites sœurs se fasse défoncer. C'est ça. Et c'est costaud, ces bêtes-là. Et les petites sœurs, elles nous servent à récolter de la dent. On peut soit les tuer pour en avoir plus, soit les délivrer, si on est gentil. Personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de mal à tuer les petites sœurs. J'en ai jamais tué une seule. Ah bon? Moi, je l'ai fait à chaque fois. Mais je dois être foncièrement mauvais. Ah non, mais moi, j'ai pas pu. Et une fois, je suis le jeu en méchant, mais je dis, non, je peux pas. Je peux pas les tuer, les petites sœurs. C'est plus fort que moi, j'y arrivais pas. Ah. Mais tu vois, quoi qu'on en dise, t'es trop gentil, en fait. Hein? Ah non, mais même un jeu, je me fais avoir. Hein, j'ai du mal. Mais bon, ouais, bref. On en reparlera de ça, sans doute, le jour où je parlerai du jeu visage, mais... C'est pareil, ça commence de telle manière que le jeu a commencé, j'ai vu la séquence d'intro, j'ai posé la manette, j'ai été faire un tour. Ah. Enfin bon, bref, tout ça pour revenir aux petites sœurs qui nous servent à avoir de la dent. Mm-hmm. Et plus on a de la dent, plus on est puissant, grosso modo. C'est ça. Ça, c'est une des facettes du jeu. Et une autre facette du jeu, dans notre génothèque, on peut avoir des sortes de gènes permanents, des trucs récessifs qui servent qu'à certains moments précis. Par exemple, des trucs pour pirater, parce que chaque tourelle, chaque distributeur, tout peut être piraté et détourné. Alors, c'est très utile, par exemple, de détourner une tourelle. On est dans un endroit avec plein d'ennemis, on détourne les tourelles, on n'a plus rien à C'est faire. ça. Les drones vont vous suivre pour vous aider. Alors, ça, c'est top, quand on peut avoir deux drones autour de soi pour s'aider, c'est génial. Le petit problème des drones, c'est leur putain de bruit tellement particulier. Oui, et puis oui, Je sais pas si ça t'a fait ça, mais alors, le bruit des drones, tu ne l'oublies plus jamais ouais, après. et puis il finit par te prendre la tête, et puis surtout il éveille les ennemis, quoi. Alors si tu voulais faire Oui, mais une... vu qu'il éveille les ennemis, mais les défonce. C'est vrai, mais je trouve que les drones, ils durent pas très très longtemps quand même, hein. Au bout d'un moment, tu as intérêt à en Ouais. pirater certains parce que je trouve qu'ils tombaient assez vite. Oui, c'est vrai, bah, j'ai tendance à pirater tout ce qui passe, moi, par contre. Donc, du coup, j'ai pas trop ce problème-là. Mais ouais, donc, du coup, on peut progresser dans Rapture un petit peu avec des approches différentes. Comme tu dis, des fois, on peut essayer d'y aller en loose dé, en ninja. Et d'autres fois, on peut y aller en brutasse, shotgun à la main, trois drones autour de nous, et puis défoncer tout ce qui passe. Et ça ajoute un petit côté plaisant, on va dire, au jeu, où tu as vraiment un sentiment de liberté qui est là, à te dire, ouais, je peux faire comme ça. Et si tu fouilles un peu dans les niveaux, tu trouves toujours des petits, pas franchement des raccourcis, mais des petits passages dérivés où tu peux arriver derrière les ennemis et balancer grâce à la dent, balancer deux, trois pièges ou voilà, les prendre à revers, c'est assez sympathique. Il y a quand même beaucoup de moyens d'arriver à ses fins dans BioShock et c'est Oui, très très tu agréable. peux y aller en finesse et puis tu peux y aller comme un bourrin. Bon, moi. Ah bah c'est ça, de toute façon tu peux tracer le jeu en suivant la boussole, shotgun à la main, tu peux tracer le jeu, je pense que tu peux le faire en 3 heures. C'est Hein. ça, c'est ça. Bon, vous doutez, me connaissant, comment j'ai pratiqué le jeu, hein, avec ma finesse et ma délicatesse habituelle. Fini en 4 heures. Un petit peu plus, mais bon, il y avait de la viande sur les murs, quoi. Donc. Ah bah oui. Ah moi j'explore tout, à chaque fois je pars d'un endroit, il n'y a que des C'est morts. bizarre, hein, tous ces accidents comme ça. Ah c'est pas des accidents de shotgun. Hein. Je l'ai pris pour un chevreuil, j'ai tiré. C'est des accidents de chasse multiples, voilà. Ah oui, bah ça. Mais attendez, c'était pas un shotgun, c'était un bazooka. Bon, c'est pareil. C'était du gros gibier. Ouais, bah c'est vrai, quand on se retrouve face à un Big Daddy, par exemple, on est sur du gros gros gibier, le machin, tu pourras vider toutes tes cartouches de shotgun, il sera toujours debout. Ah oui, par contre, c'est vrai, quand on affronte un, c'est gros moment quand même, hein. Putain. C'est gros moment, hein. À chaque fois c'est stressant, et pourtant t'en croises plusieurs, mais ils ont réussi à garder le côté impactant du personnage, quoi. En plus, tu sais, tu le vois avancer tout doucement, le Big Daddy. Tu penses qu'il va être Mais... lent et que tu as. Et puis d'un coup, tu vois, il te pointe des pointes de vitesse, il t'envoie sa foreuse dans la gueule. Ça C'est fait du ça, puis bizarre, ça hein. défonce. Et en plus, non seulement il est tout lent, mais c'est vrai que tant que tu touches pas trop petite sœur ou que tu t'approches pas le machin, t'as pas trop de problèmes. Puis bah, après, t'en as. C'est ça. T'en as beaucoup. Mais ouais, je me souviens, je sais pas, t'as intérêt de les affronter par un, et la bonne méthode, c'est de leur tourner autour à mi-distance, quoi. À 10-15 mètres, tu lui tournes autour et tu mitrailles tout ce que tu peux. C'est ça, c'est ça. Faut éviter le contact rapproché. Voilà. Ouais, puis il vaut mieux qu'il soit tout seul aussi, parce que s'il y en a d'autres autour, ça commence à être compliqué. Tout à fait. Donc voilà, donc on traverse un petit peu Rapture pour essayer d'aider Atlas qui veut à tout prix sauver sa famille. On peut dire qu'on le prend pitié au final, Atlas. Hein. Oui. On se dit que c'est un gars qui a l'air sympa, et puis c'est vrai que c'est la première personne qui nous parle quand on arrive à Rapture, qui nous indique comment s'en sortir, que lui aussi veut s'échapper. Tout à Bon, fait. on a tendance à l'écouter et à se dire, bon, bah vas-y, on va te faire confiance. Et là, Ce qui va sans doute nous emmener au spoiler infâme, c'est ça. au twist de milieu de jeu. Le parasite a des vues sur Rapture. Ne perdez pas le parasite de vue. Le parasite déteste trois choses: l'économie de marché, le libre arbitre et les hommes libres. Les contrebandiers sont les amis du parasite. Vous devez dénoncer les contrebandiers. Nous tirons tous la grande chaîne, et la grande chaîne nous tire tous. Andrew Ryan vous pose une simple question. Êtes-vous un homme ou un esclave? L'approche d'une petite sœur est un acte criminel. Ne vous approchez pas des petites sœurs. Le vandalisme est un crime très grave. Les vandales sont des parasites. Atlas est un ami du parasite. Ne soyez pas l'ami d'Atlas. La rumeur est l'instrument du parasite. Fontaine est mort. Rapture vit encore. N'écoutez pas les mensonges d'Atlas et de ses parasites. Rapture est en plein essor. où on finit par comprendre, où il finit par nous révéler qu'en fait, Atlas n'a jamais existé et qu'il est Fontaine. Donc, l'autre mégalomane. Le concurrent direct. L'autre mégalo de Rapture. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup de mégalos pour une seule cité. Oui, oui. En plus, personne ne peut sortir, c'est sous l'eau, donc c'est un trop petit terrain pour deux maboules de compètes. Oui, et encore, on va apprendre dans Bioshock 2 qu'il y en avait d'autres, des mégalos. Hein. C'est ça, mais le Bioshock 2, je ne l'ai pas fini, donc je ne pourrais pas trop te dire. Bah, il est un peu trop couloir, en fait. Tu répares le métro de Rapture, à chaque fois tu vas à une zone, « Oh, le métro est en panne, réparer le métro !» Et ainsi de suite. Ouais. C'est un peu, j'ai moins aimé Bioshock 2. Mm. Enfin bref, donc voilà, encore des mégalos quoi. C'est ça. Et donc Atlas, c'est Fontaine. C'est ça. Ta-da. Et là, en fait, on apprend qu'on est un pantin. Un pantin qu'on a été créé génétiquement pour partir de Rapture, y revenir en avion. L'accident d'avion était fortuit, hein, enfin il a été provoqué, et pour revenir dans la cité et obéir aux ordres de Fontaine, d'Atlas donc. Dès qu'il utilisait la terme « je vous prie ». Et tu te rends compte que dans toutes les conversations que tu as eues avec Atlas, à chaque fois qu'il te demande quelque chose, il te rajoute « je vous prie ». Au début, tu ne fais pas gaffe, c'est un tic de langage. Quoi. Tu te dis que c'est une tournure de phrase quelconque. Non, c'est la clé. Et au mieux même, tu te dis qu'il est poli. C'est ça. Et en fait, c'est la clé. Dès qu'il dit « je vous prie », te conditionne pour obéir. Voilà, tu as un conditionnement. Et tu obéis à Atlas et tu es son pantin. Tu es celui qui lui permet de prendre le contrôle de Rapture en exécutant Ryan. Et là où ça devient vraiment vicieux, c'est qu'on est le pantin de Fontaine, mais on est le monstre, la création d'Andrew Ryan. C'est ça. On est issu des gènes d'Andrew Ryan et on est une sorte de fils fabriqué, entre guillemets. Mm-hmm. Et on a le corps d'un adulte de 35 ans à peu près, alors qu'en fait, on a deux ans, vrai, le personnage, ouais, il a 4-5 ans à tout casser. C'est ça. Et ouais, on a été génétiquement préparé pour quitter Rapture et pour y revenir. Et c'est aussi pour ça que quand on revient à Rapture, en fait, le Batiscaphe fonctionne pour nous alors qu'il est censé fonctionner pour personne. Mm. Et ben en fait, c'est grâce aux gènes d'Andrew Ryan qui sont en nous qui fait que tout ça fonctionne pour nous. Fait tuer Andrew Ryan et prendre la jamais été libre. Jamais. Alors que depuis le début du jeu, on insiste bien sur le sentiment de liberté. Tout à fait. C'est extrêmement dingue. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. On était sur Fontaine qui nous a révélé son plan. Oui, qui nous laisse sa pour vie mort. D'identité. C'est ça, qui nous laisse pour mort, parce qu'il n'a plus besoin de nous, évidemment, qui a pris le contrôle de Rapture, et heureusement, on est sauvé par les petites sœurs et le docteur Tenenbaum, qui nous récupère. Tu les as quand même tués, les petites sœurs, espèce de salaud. Oui, ben, on peut se faire plaisir un peu. Oh, t'as pas de cœur. Et j'avais pas d'enfant à l'époque quand j'y ai joué, donc voilà, j'avais quelques prédispositions à faire du mal aux gosses. Maintenant que j'en ai une, j'ai encore plus envie de les tuer. Bon, c'est un autre problème. Ce sera répété, tu sais qu'il y a des gens qui vont t'entendre. Hein. Ben je sais. Mais je dis tous les jours à ma fille que je l'aime pas, donc ça va, t'inquiète, elle est blindée maintenant. Oh, l'ambiance à la maison, ça doit être folklore. Ah, ça fait des bons repas de famille. Parce qu'en plus, donc là, pour revenir un petit peu à Rapture et à Bioshock, on ne fait tout Andrew Ryan, mais alors bizarrement, c'est une phase où on ne joue plus. C'est ça. Cette fois, on a vraiment plus les manettes, on se sent vraiment comme un con. Le mec nous prend entre guillemets, les manettes, il nous dit « je vous prie », et là, paf, tu touches plus à rien, et tu te retrouves à tuer Andrew Ryan sans que ce soit toi qui le fasse. Tout à fait. C'est vraiment... Mais ils ont poussé la manipulation jusqu'à ce moment-là de Bioshock à un niveau... Oui, parce qu'ils auraient pu te faire faire... Ils auraient pu te faire cliquer là, taper le, etc. Et tu n'avancerais pas dans le jeu tant que tu n'aurais pas fait la manip, donc tu aurais fini par la faire. Là, c'est pas une cinématique, mais ton personnage n'a plus aucun contrôle, c'est ça. Mais en fait, ton personnage, là où c'est vraiment très fort, c'est qu'il n'a jamais vraiment eu le contrôle, puisqu'à chaque fois qu'on te dit « je vous prie », tu fais ce que le mec te dit. Donc on n'a jamais vraiment eu le contrôle, mais par contre, là, au moment où on te le révèle, pour bien te le foutre dans la gueule avec une tatane, on t'enlève la manette des mains, on dit « tiens, regarde, tu t'es fait baiser depuis le début ». C'est ça. Donc, c'est d'une dinguerie, c'est terrible cette scène, c'est vraiment un truc à vivre. Le scénario est vraiment très bien imbriqué. Enfin, on peut dire qu'au niveau de la scénarisation, c'est du grand art. Franchement, c'est du grand art. Ah oui, clairement. Clairement. C'est pour ça que je pense que Bioshock, tellement de gens, tu cites Bioshock à plein de monde, c'est rare que quelqu'un te dise non, non, je n'ai pas aimé, c'est pas terrible. Il y a eu vraiment un avant et un après BioShock, quoi. C'est, foncièrement, c'est un jeu qui doit, enfin, qui doit faire partie d'une ludothèque. C'est un jalon dans l'histoire du jeu vidéo pour moi. Je suis peut-être un petit peu trop grandiloquent à ce sujet, mais je pense qu'il marque le jeu vidéo d'une pierre blanche. Oui. Clairement, je pense que c'est un jalon, parce qu'en plus, comme je disais au début, BioShock, c'est un petit peu le descendant de la série des System Shock, qui était déjà une série extrêmement novatrice et bien écrite, mais qui était quand même très, très, on va dire, difficile d'approche. Hein. Pour le coup, j'ai essayé de m'y remettre, et pour rentrer dedans avec les multiples menus et tout, enfin, c'est vraiment un truc assez complexe. Et là, quand tu attaques BioShock, non seulement c'est sublimement écrit, mais en prise en main, c'est immédiat. T'as pas de moment de réflexion, c'est un pur FPS, t'avances avec les joysticks, tu shootes avec les gâchettes, t'as tes pouvoirs, bon, c'est un petit truc en plus, mais en soi, c'est instantané. Tu prends la manette en main, tu joues et tu t'éclates. C'est ça. Donc là, on est vraiment sur un jalon au niveau écriture, réalisation et tout ce qu'il y a derrière le petit, très petit côté un petit peu jeu de rôle où on peut crafter ses armes, évoluer avec ses pouvoirs, pirater et tout ça. Mais ouais, on est sur un jalon. Pour moi, il y a eu le jalon précédent, c'était Half-Life qui commençait à t'expliquer des FPS narratifs. D'ailleurs, on peut un peu rapprocher la scène d'intro d'Half-Life et celle de BioShock. Hein. Les deux te présentent l'environnement sans que tu puisses rien faire d'autre que regarder. Mais ouais, t'as eu le jalon Half-Life en 98, et là en 2000, que je dise pas de conneries, je crois que c'était 2009, hein, BioShock. Et en 2009, t'as BioShock qui t'a posé le nouveau jalon du FPS narratif. Alors même si j'ai un peu de mal avec le terme FPS pour le coup, parce qu'on n'est pas sur un shooter pur et dur, hein, c'est pas Doom 2000, Eternal. BioShock c'est 2007 en fait. 2007. Voilà. Ok. Bah tu vois, 2007, ouais, donc à peine 10 ans après, t'as un nouveau jalon qui a été posé. Effectivement, pour moi, BioShock, c'est clairement un jalon. Tant au niveau de la direction artistique, de la façon dont le truc est écrit, mené, enfin... Ouais, on est sur du jalon, sans être... Je pense pas que tu sois grandiloquent quand tu dis ça, et d'ailleurs, ce serait pas un jalon, je pense que Alt236 en aurait pas fait une vidéo aussi passionnante, et il y aurait pas autant de livres qui parlent de BioShock. Et on le redit, hein, si vous avez... parce que la vidéo elle est plutôt longue, hein, je crois que plus d'une heure et demie, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est une bonne heure et demie facile. Ouais. Allez voir la vidéo d'Al236, allez voir en général les vidéos d'Al236. Hein. C'est ce que j'allais dire, si vous ne connaissez pas Al236, allez-y, hein. Ouais. Les yeux fermés, enfin, façon de parler. Voilà. Moi j'en ai regardé qu'une partie de sa vidéo, parce qu'il y en avait beaucoup, et surtout, comme on allait faire ce sujet avec Nostalgique, je me suis dit... j'allais donner mon ressenti par rapport à ce que je connaissais du jeu plutôt que, comment dire, consciemment ou inconsciemment reprendre ce qui a été dit dans cette vidéo. Donc tu vois, j'ai essayé de pas la regarder en entier pour pas pomper son travail, parce qu'honnêtement, pour ce que j'ai pu en voir, c'était du... voilà, cette vidéo on devait la faire il y a plus d'un an, ce podcast on devait le faire il y a plus d'un an, hein. Bon, ouais, on a eu l'idée en même temps que lui, grosso modo. Et lui, il a sorti sa vidéo et on s'est dit, bon, bah, là, il nous a bien coupé l'herbe sous le pied, quoi. C'était, voilà, c'était très, très bon. C'est un travail vraiment de... Enfin, il faut vraiment l'apprécier, cette vidéo. Il y a un boulot monstre derrière et c'est du grand art. Voilà, c'est ce qu'il fallait pour BioShock. Oui, de manière générale, si Al236 fait une vidéo sur quelque chose, c'est que le truc est très bien et la vidéo sera très bien faite. Exactement. Même... Et sa dernière, sur un truc qui me parlait pas spécialement, le tableau L'île des Morts est absolument fantastique. Donc, tu vois, c'en est encore un que j'ai pas eu le temps de voir, il y en a trop. Mais ça vaut le coup de. Bah voilà, si Nostalgique vous le dit, je vois même pas pourquoi vous êtes en train de nous écouter, coupez de soi ce cast et allez regarder la vidéo. Mais revenez après, ne déconnez pas. Vous écouterez la vidéo après, chaque chose en son temps. Ouais, c'est pas moi, il m'avait aussi pas influencé sur Dark Souls, parce que j'étais parti sur Dark Souls avant, mais sa vidéo sur Dark Souls était très très intéressante aussi. Voilà. Mais bon, on n'est pas là pour faire sa pub non plus. Hein. Revenons à Rapture. C'est BioShock le podcast, hein, c'est pas Al236 le podcast. Il nous fait chier l'autre en fait. Voilà. Donc, ouais, revenons à nos moutons et plutôt à nos. Tiens, comment ils s'appellent d'ailleurs les dégénérés ? Ils ont un nom. Attends. Ah, c'est le Zorg qui m'empêche de le dire, je sais pas pourquoi. Comment il s'appelle ? Les cri quelque chose, non ? Je me rappelle. Attends, c'est le terme anglais, donc je me rappelle. Vas-y, donne le terme anglais, hein, de toute façon. Non, justement, je me rappelle à peine du terme anglais. Merde. Scryer. Non, je confonds avec autre chose, moi. Je trouve plus. Bah, ça va nous revenir. Ah, voilà, les chromosomes. En français, c'est les chromosomes. Les chromosomes, voilà, les chromosomes. Et en anglais, c'est splicer. Ouais, voilà. Ouais, sur un petit peu la même idée de génétique. C'est ça, j'aime bien l'idée de chromosome. Je trouve que la sonorité est sympa. Ouais, ça sonne bien. Ça sonne SF des années 60, c'est un peu hard SF, mais il y a un truc malsain dedans, quoi. Tout à fait. Mais ouais, chromosome. Donc, oui. Revenons à nos chromosomes, donc. C'est ça. Et oui, et après avoir tué Andrew Ryan, malgré nous, au final, parce que. Enfin, moi, je sais que quand t'as Fontaine qui dit ah, je vous ai bien niqué, je me suis dit, ouais, bah attends, je le tue pas, l'autre, et puis c'est tout, hein. Ah non, t'as et pas puis, le choix. Là, non, en fait, t'as pas le choix, t'es laissé pour mort comme comme une vieille couche au fond de la poubelle. Là, d'ailleurs, on serait littéralement au fond d'une poubelle, mais d'un conduit pas terrible. Hein. Voilà, on n'est pas en pleine forme, mais on apprend du coup que c'est le docteur Tenenbaum qui nous a sauvés, qui nous a empêchés de vraiment mourir. Parce que si je me trompe pas, on a Fontaine qui nous dit maintenant mourrez, je vous prie. C'est ça. Et en fait, voilà. Le docteur Fontaine nous soigne et nous permet à travers une... Ah, c'est Tenenbaum qui nous soigne. Pardon, Fontaine, le docteur Tenenbaum nous soigne et on nous fait faire à son tour des missions pour récupérer des produits qui pourraient nous libérer complètement du conditionnement de Fontaine. Voilà. Et autant dire qu'un peu le coup qu'il nous a fait, on a très très envie de libérer de son conditionnement et de lui péter les crocs. Voilà, c'est ça, d'aller lui essayer la clé à molette sur sa gueule, voilà. C'est ça, d'ailleurs c'est ce qui va se passer à la fin, évidemment. Évidemment. Mais ouais, donc on doit trouver des trucs pour se défaire et aussi pour un petit peu sauver les petites sœurs le plus possible. C'est ça, parce qu'en fait... Tannenbaum, c'est elle qui a créé les petites sœurs et les Big Daddy, elle se rend compte qu'elle a fait un truc absolument affreux. Oui. D'ailleurs, c'est pas faux de manipuler des enfants pour qu'ils récoltent de la dent sur des cadavres. Enfin, ça reste très très glauque, cette histoire. Mais puis il faut voir la tronche des enfants. Un petit peu se rattraper. Voilà. Ben, oui, ils ont pas l'air en pleine forme. Non, ça manque un peu de soleil, quoi. Voilà. Ben, elles ont des grosses cernes, la peau toute blanche, et avec les yeux, elles peuvent voir dans le noir, donc oui. Tout de suite. Ouais, elles respirent pas la joie de vivre, les pauvres gamines. Pourtant, elles chantent. Oui, elles chantent. C'est ça. Mais bon, mais c'est vrai que passer sa journée à aller faire des injections à des cadavres, ça peut travailler un peu l'enfant, voilà. Ben, en plus, après, elles sont manipulées pour ne pas voir vraiment des cadavres, mais autre chose. Enfin, même leur cerveau a été un peu détraqué par Tenenbaum pour moins souffrir de ça, mais... Voilà. D'ailleurs, ben, on va encore parler un petit peu de Bioshock 2, tant pis, mais dans Bioshock 2, comme on incarne un Big Daddy, on voit ce qui se passe dans la tête d'un Big Daddy au début. On est un Big Daddy où ils nous ont enlevé notre fille pour en faire une petite sœur, et puis nous ont conditionné en Big Daddy. Pour la protéger. Et les Big Daddy leur font croire que l'enfant qu'ils doivent protéger, c'est le leur, en fait. Sauf que là, pour le coup, c'est vraiment le sien, et c'est très poignant, en fait, le début de Bioshock 2. C'est dommage qu'après, ça parte en bourrinage total. C'est bizarre, d'ailleurs, que je dis ça, mais ouais, ça manque du côté poignant. C'est ça, mais Bioshock, justement, le premier nous a habitués à quelque chose qui permet de faire du bourrinage, hein. Faut... non plus. Oui, dire, oh bah, c'est pas un jeu fin non plus. Si vous aimez casser des bouches, vous allez avoir votre quota. Hein. Il y a ce qu'il faut largement, quoi. Hein. Et de toutes les façons. Mais c'est sûr qu'il a amené une certaine finesse et une qualité d'écriture très très rare. Je veux dire très rare, c'est peut-être parce que je joue pas assez aux jeux vidéo, mais celle-là est vraiment marquante, quoi. L'histoire sort vraiment du lot. Oui, puis même, bah, comme on parlait là des Big Daddy et des Little Sisters, quand on réfléchit, en fait, si on prend le temps de réfléchir à leur, comment ils ont été créés, pourquoi, à leur diégèse, ça reste très très glauque et on peut qu'avoir de la peine, en fait, pour eux. Autant les chromosomes, on se dit, sont dégénérés parce qu'ils ont voulu s'injecter trop de trucs pour être surpuissants. J'ai pas trop de peine pour les chromosomes. Mais des gamines qui ont rien demandé, qui ont fait ça, ou des mecs, des opposants politiques. D'ailleurs, en général, pour les Big Daddy, à qui on fait subir ce genre de lavage de cerveau et de conditionnement, tu peux qu'avoir un peu de peine pour eux au final. Parfait. Donc, il y a vraiment une finesse d'écriture quand même. Même Andrew Ryan, on n'a plus envie de le tuer à un moment donné. On se dit, mais pourquoi on veut le buter en fait? Il est. Oui, c'est un mégalo, mais. Ouais, c'est ça, c'est un connard hautain, mais comme ils disent dans SOS Fantôme, c'est le... ce que Dieu a donné aux humains, le droit d'être un connard, quoi. Le dieu de cracher la gueule de tous les Américains. C'est ça. Mais c'est vrai que même les Big Daddy, c'est peut-être ce qui est un peu intéressant dans le 2, tu joues un Big Daddy. Big Daddy aussi un personnage tragique. Oui, clairement. Il a un côté sympathique aussi. Bon, sauf quand tu dois l'affronter, là, tu vas en chier ta race, quoi. Mais ouais, mais tu comprends, il veut protéger son enfant, enfin, en soi. C'est ça, tout à fait. Bah, toi, tu comprends pas, toi, tu l'es tué, les enfants, mais moi, je comprends. Oui, mais bon, même au fond de mon âme noire, il y a un tout petit cœur qui bat, des fois. Parfois, hein, pas trop déconner. Ouais, des fois, c'est une fois par an, bon. Ah bah oui, il faut bien, quand même. Donc, c'est... Les Big Daddy ont quelque chose de tragique et ils sont assez... Déjà aussi, le design est absolument formidable et quand tu les vois apparaître, ils ont un côté, entre parenthèses, pour les petites filles, gros nounours et arme mortelle. Quoi. Ça aussi, cette dichotomie entre les deux faces du personnage sont très très bien rendues. Quoi. C'est... Non, franchement, BioShock, ça reste un must intégral. Quoi. C'est du grand art. Quoi. Oui, de ce côté-là, il y en a à dire, et on va encore insister dessus, mais l'écriture, si on prend la peine de s'intéresser à toute la diégèse du jeu, oh putain, c'est pas facile à dire, à toute la diégèse du jeu, en écoutant notamment toutes les audiovox et tout ce qu'on peut trouver à côté, en lisant les affiches, en regardant un peu tout ce qu'il y a à côté, c'est tragique l'histoire de Rapture. Si on passe comme un bourrin, on s'éclate parce que c'est un FPS qui est quand même bien rythmé et bien dynamique, et si on prend d'explorer, on peut être que touché par tout ce qui s'est passé dans cette ville, juste par l'ego de deux personnes qui se sont fait une guerre de connards, quoi. C'est ça. Salut Marie, tout va bien ? Tu savais qu'Andrew Ryan avait pris le contrôle de Fontaine Futuristics ? Je suis folle de rage. Calme-toi, ma belle. Je suis furieuse. Si nous sommes venus à Rapture, c'est justement pour fuir l'ingérence des gouvernements dans les affaires privées. Bien sûr, Marie, mais Andrew Ryan n'a pris le contrôle de rien du tout. Le Conseil s'est simplement occupé de la gestion de Fontaine Futuristics, en attendant de juger Fontaine pour toutes ses trahisons et ses crimes contre le peuple de Rapture. Tout, Marie, tout rentrera bientôt dans l'ordre. Ah bon ? Ouf, je suis vraiment soulagée. N'oublie jamais, Marie, si tu doutes du Conseil, tu fortifies les bandits. C'est vraiment un talent du jeu de pouvoir même s'adapter à son joueur. Tu mets ça en face d'un gros bœuf qui a juste envie de torcher le jeu et de défoncer de l'infecter, bah ça marche. Par contre, tu le mets à côté de quelqu'un comme moi qui adore explorer complètement son environnement, bah, je me suis éclaté presque autant qu'avec Dark Souls. C'est vrai que si tu peux passer, c'est vrai que le jeu doit être fini, tu peux le finir en 10 à 15 heures, quoi, à peu près, en prenant ton temps. Non, je pense qu'en torchant en ligne droite, tu le fais en 4 heures, et en prenant ton temps, en prenant mon temps, pardon, j'ai mis plus d'une vingtaine d'heures. Donc, une fois que tu as moyen d'explorer le monde, de grimper en puissance, et de l'apprécier, de voir tous les environnements de Rapture, et, comme on disait, avancer dans l'histoire. C'est vrai qu'une fois que tu t'es complètement libéré de Fontaine, de son conditionnement, bah, ta dernière mission, ça va être de lui présenter ta clé à molette. Voilà. Voilà, de lui rendre un peu la monnaie de son truc. Mais bon, avant, c'est vrai qu'on va encore traverser des trucs. Et tout ce qu'on va traverser, bah, Fontaine va le voir. Et il va continuer de nous parler en disant « Putain, t'es censé être mort et te foutre des bâtons dans les roues non-stop. » Je crois qu'à un moment, il faut qu'on aille dans une... D'ailleurs, c'est un moment assez sympa, une espèce de fausse forêt qui a été créée sous l'eau. Par des moyens complètement dingues de photosynthèse, par des plantes, enfin je sais plus exactement le truc. Et quand on arrive dans cette forêt, c'est assez surprenant, cet environnement dans Rapture. On s'y attend pas tellement, et là t'as l'autre qui balance un poison dans la forêt pour tuer tous les herbes d'un coup. Oh le bâtard, c'est assez dingue. Et du coup, faut échapper non seulement à l'environnement de Rapture qui est toujours hostile, là, mais en plus maintenant on a un mec qui nous suit et qui peut tout contrôler à distance pour nous pourrir encore plus la vie. Tout à fait. Donc, autant dire qu'effectivement, quand on peut lui présenter nos respects à coups de clé à molette, faut pas hésiter. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est le moment qui. Bah, c'est ce qui va terminer le jeu. Et bah, moi, de mon côté, c'est un petit peu ma déception sur BioShock, ce boss-là. C'est. Je sais pas si je suis seul à avoir ressenti, mais une certaine facilité. Ah bah, disons que moi, je t'aurais dit carrément le contraire, purée. Qu'est-ce qui. Il m'a bien mis la misère, quoi. Hein, franchement, il nous met la misère, mais que quand tu vois la vie que tu as à la fin de BioShock, en général, t'as 9 barres de vie d'avance, t'as du plasma à plus savoir, enfin de la dent à plus savoir qu'en faire. Moi, j'ai pas ressenti une difficulté aberrante. J'ai eu l'impression d'avoir entre guillemets, deux dieux qui se foutaient sur la gueule, parce qu'effectivement, par contre, au niveau plasmide, là, on en voit tous du lourd, hein. On peut y aller à fond, lui, il va à fond aussi. En plus, je crois qu'il vole ou il flotte à moitié, mais ouais, j'ai pas ressenti une difficulté exceptionnelle. Alors, d'un côté, c'est logique avec un jeu qui se veut, entre guillemets, avec des grosses guillemets, réaliste. Dans le sens où tu vas pas avoir des ennemis non plus surpuissants parce que ça reste des humains à la base. Mais ouais, j'aurais bien aimé un truc un peu plus au contact, on va dire, un peu plus. Ouais, que ça rentre plus dedans, quoi. Et Parce que là, donc, dès le début de la vidéo, tu vois qu'il s'injecte plein de trucs dans la tronche, il devient une espèce de truc comme le machin de la forteresse noire, là. Je sais plus comment il s'appelle, le démon dans la forteresse noire de Michael Mann, un espèce d'humanoïde en Molassar. pierre. Molassar, ouais. C'est ça. Voilà. Tout un espèce d'humanoïde géant en pierre. Et là, quand on le voit en face, et visuellement, on se dit, oh putain, ça va être du lourd de chez lourd, quoi. C'est ça. Et en fait, peut-être que moi, je me rappelle avoir eu du mal avec le personnage, mais c'était peut-être aussi. J'étais tellement à fond dans le jeu avec l'ambiance, qu'en fait, quand tu le vois qu'il s'injecte ben, plein de plasmides et d'Adam pour, ben, justement, comme tu le disais, devenir un dieu. Il perd aussi toute forme humaine, quoi. On dirait un petit Ah peu un oui. mélange de Electro dans le Spider-Man 2 de, comment dire, de Ouh. Mark Webb. Ouais. Oh Et la vache. Ouais. oui, ben ça fait un peu mal, ouais. Et une sorte avec le comment dire, avec les images de synthèse du Cobaye, le film. Tu vois, un petit peu ce mélange Oh entre les tes deux. vaches. Oui, c'est un Oui, peu mieux. enfin, quand on pense au cobaye, on pense à un truc moche. Là, faut voir que bon, le design du perso est peut-être pas exceptionnel, mais visuellement, c'est pas raté au point du cobaye Non, quand même. c'est pas raté, mais bon, c'est. Je veux dire, c'était la tronche. Je parle pas du côté mal fait. Je pense la tête du personnage, Ah, clairement. il est plus qu'une forme humaine, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, comme moi, il m'a fait penser à Molassar, quoi. Une grosse forme humanoïde très sombre. Une grosse masse sombre, quoi. Mais ouais, ça, ce combat-là m'avait un peu déçu. Alors après, c'est. Ouais. Peut-être que j'étais plus dans le jeu, du coup, je m'attendais à un truc plus punchy, et bon. Tout à fait. Et bah, une fois que t'as présenté Fontaine à notre Seigneur Jésus-Christ, hein, ou autre, hein, chacun sa voix, hein, une fois que tu libères les petites filles, enfin, en fait, pour être plus précis, en fonction de tes actes passés dans le jeu, c'est-à-dire que si t'as par exemple récolté les petites filles, c'est-à-dire que tu les as tuées pour récolter un maximum d'Adam, tu remontes à la surface avec un sous-marin nucléaire et tu lances une attaque sur les villes du monde. Donc là, tu vois, tu finis en mode bad boy. Hein, very, Tu very finis bad boy. en espèce de descendant, comment on pourrait dire, psychologique, entre guillemets, d'Andrew Ryan, c'est de Et Fontaine, de quoi. Fontaine, tout à fait. Et sinon, si tu as justement récolté la dent en libérant les petites sœurs, Oui, ce que justement, moi j'ai fait, parce que moi je suis gentil, monsieur. t'es pas gentil, tu ne vas pas au bout de tes convictions. Nuance. Voilà. Si ne pas tuer les enfants fait partie de mes convictions, moi, personnellement. Voilà, faut pas faire. J'aurais moins de problèmes avec des adultes. Ah bah, ouais, on dirait Mel Gibson dans L'Arme fatale. Il veut bien buter un mec, mais pas des chiens, quoi. Ouais, voilà, c'est C'est pareil. pareil, j'aurais pas tué des chiens. Mais qu'est-ce que c'est que cette génération de femmelettes? Merde! Ah non, par contre, des mecs à l'appel, ouais, ça va. À l'appel en plus, tu vois, t'es foncièrement mauvais. Oui, c'est bien l'appel. Donc, comme je disais, Ouais, donc si on sauve toutes les petites sœurs, on a une autre fin. on a une autre fin où justement bah, tu les libères et tu reviens à la civilisation, au monde réel, enfin, pas au monde réel, au monde civilisé, si on peut dire, avec les petites feuilles et tu leur offres une nouvelle vie, c'est-à-dire que tu deviens une sœur de père de substitution, mais bon. Même moi, la cinématique de fin avec les petites sœurs que tu vois grandir, évoluer, se marier, travailler, enfin avoir une vie tout à fait normale, avoir des enfants, et qui à la fin te tiennent la main sur ton lit de mort, je vais t'admettre, ça m'a fait écraser une petite larme. Hein. Quand même. Oui, bon, bien sûr, quand la larme est tombée sur mon bureau, ça a fait un trou, mais ça c'est un autre problème. Mais voilà, tu as une petite larme qui coule parce que c'est bon, au niveau émotionnel, là aussi. C'est bien amené. C'est bien amené. Ouais, c'est très bien amené, ouais. Cette vidéo, en plus, vous avez qu'à regarder, vous tapez sur YouTube fin BioShock et vous verrez les différentes fins proposées. Donc, Il y en a que deux en même temps. Il y en a que deux. Mais vous pouvez voir les deux fins proposées. Et voilà. Et c'est justement cette fin heureuse qui permet d'embrayer sur BioShock 2. Voilà, où on joue un Big Daddy. Oui et non, en fait, la fin n'a pas beaucoup d'intérêt de la fin de BioShock 1 sur BioShock 2, puisqu'on joue un autre personnage qui se réveille à Rapture après le passage de Jack. Donc, Oui, mais justement, si tu avais détruit le monde complet, ça collerait pas trop avec l'histoire. Ouais, c'est pas faux. Oui, j'avais pas pensé à ça sous cet angle-là, mais oui, c'est vrai que si on avait tout pété. Voilà, donc c'est la fin heureuse, entre parenthèses, qui est théoriquement la vraie fin. Voilà. Après, ouais. Vous faites comme vous le sentez. Hein. Tuez des enfants, tuez pas d'enfants, faites-vous plaisir. Quoi. Voilà, l'important, c'est de se faire plaisir. C'est ça. Bah, j'avoue, déjà, je pense que quand on fait le jeu, on se fait déjà bien, bien plaisir. Oui. De tout dans l'ambiance, et là, l'ambiance, la musique, tu te fais un plaisir monstre en jouant le jeu. Et pour peu que tu t'y intéresses un petit peu, que tu te plonges vraiment dans l'histoire de BioShock, non seulement tu te fais plaisir, mais tu découvres quand même pas mal de choses. Tout à fait. Personnellement, moi, BioShock, ça m'a fait pousser un petit peu, mais comment on pourrait dire, d'un point de vue esthétique, normalement, je suis un peu brut, on va dire, tout ce qui est esthétique, ça m'atteint pas beaucoup. Mm-hmm. Ça, je sais dire si un jeu est beau ou pas, hein. Je veux dire, je vois le E.T. sur Atari, je sais que c'est moche, je vois Dark Souls, moi je me dis que c'est bien, tout le monde dit bah non, Dark Souls sur PS3 c'est moche. Bon, on va dire que l'esthétisme c'est pas mon truc, mais en voyant BioShock, tu sais, je me suis un petit peu pas intéressé, mais ouais, tout ce qui est art déco, je me dis ah ouais, d'accord, je comprends mieux ce que c'est que l'art déco, j'arrive à situer le truc, tu vois, c'est tout con, mais ouais, si on s'intéresse à ça, du coup tu percutes un petit peu sur ça. Tout à fait. Et si on pousse un petit peu le côté, on va dire, politique de BioShock, parce que faut pas se leurrer, le côté politique de BioShock, il est bien ancré dedans, sans dire qu'on va vraiment découvrir ce qu'est que l'objectivisme, hein. Parce que l'objectivisme, grosso modo, c'est du capitalisme avec tous les potards au max. On se rend compte que le jeu tourne quand même beaucoup autour d'un livre, pour le coup un vrai livre, hein, qui est Atlas Struggle, et en français c'est La Grève, un livre écrit par Ayn Rand. Vous noterez au passage l'anagramme avec Andrew Ryan, et qui est vraiment un pamphlet politico-philosophique qui a inspiré l'objectivisme, et clairement qui a inspiré Andrew Ryan pour sa Cité de Rapture. On nous apprend que chaque homme devrait vivre uniquement de ce qu'il se rapporte à lui-même. C'est ça. Et effectivement, au début, de prime abord, on peut se dire « Bah si, c'est bien l'objectivisme, il n'y a pas d'impôt et tout, tu n'as que ce que tu veux. » Et puis quand tu vois Rapture, tu dis « Ouais, non, c'est quand même une idée à la con, parce que très vite, tu vas t'opposer à des trucs qui sont pas cohérents. » Comme Andrew Ryan qui dit « Oui, bah, on peut faire de là-dedans », qui sait que ça va être dangereux, mais qui dit « Oui, mais non, moi, mon truc, c'est que chacun fasse ce qu'il veut. » Oui, mais là, en fait, tu aurais juste mis un stop à ce moment-là, il n'y aurait pas tout ça dans Rapture. Oui, et puis, justement, sur l'objectivisme, c'est une... Bon, je ne vais peut-être pas essayer de parler de cette philosophie, et même d'Ayn Rand, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais justement, dans l'histoire de Rapture, ça nous montre que l'individu qui cherche son bonheur en tant qu'individu... ne peut pas faire société. C'est-à-dire que si ton seul but, c'est ton bonheur personnel, être en société, c'est aussi s'obliger et se limiter. De toute Exactement. Façon. Voilà, donc tu ne peux pas l'atteindre. Rapture, comme tu disais, c'est l'objectivisme poussé à fond. Voilà, sans aucune limite. C'est ça. Bon, bien sûr, aussi sur Ayn Rand, pour faire un petit point sur elle. Elle aussi, elle a passé sa vie à, si je me rappelle bien, à défendre ça. Et à la fin de sa vie, elle dépendait d'aide sociale. Donc voilà. Bon, c'est quand même une comment ça s'appelle ? C'est quand même un petit, je veux pas dire rigolo, parce que bon, tu peux pas souhaiter qu'une personne soit dans la galère. Mais bon, quand tu as passé ta vie à défendre le contraire, c'est bien ironique. Voilà. Mais en plus, Ayn Rand a eu un petit peu le... Enfin, pour le chemin d'Andrew Ryan, ils sont inspirés de ce qu'a vécu Ayn Rand, qui a fui le communisme pour aller vers le capitalisme américain et qui a encore trouvé que c'était pas assez. Voilà. Donc ils s'en sont... Oui, déjà, quand tu t'en arrives là, tu dis, ouais, non, il y a du niveau. Hein. Ah oui, à côté Le capitalisme ça, américain, c'est encore pas assez. Ouais, tu dis, Ronald Reagan, c'était limite un coco pour elle, quoi. Donc, d'ailleurs, elle n'en pensait pas du bien. Voilà. Ouais, il n'y a pas grand monde qui a pensé du bien de Ronald Reagan, ceci dit, il ne faut pas se leurrer. Ceux qui se sont enrichis, si, mais les autres, bon, ça lui, dépend. Peut-être. Mais ouais, enfin voilà, donc tout ça pour dire que BioShock en plus pousse un petit peu, comme la conversation qu'on vient d'avoir, c'est de gratter un petit peu la surface et de s'intéresser à des choses qui peut-être nous passeraient au-dessus les trois quarts du temps. Moi je vous avoue que la politique ça me passe au-dessus, l'esthétisme c'est pareil, c'est pas spécialement mon truc. Et pourtant avec BioShock ça passe en douceur. Dans toute l'ambiance du truc, et bah, t'as ces petits trucs-là qui font des pointes, des petits pics et où ça tilte dans la tête. Alors après, il y en a peut-être, ce sera ça avec la musique, parce que la musique de BioShock est elle aussi particulière. Enfin, on voit bien qu'elle est inspirée des années 50-60, c'est très jazzy. Alors moi, c'est déjà un truc qui me parle à la base, mais quand on se laisse porter dans BioShock, ça passe tout seul. Et c'est là qu'on voit un grand jeu, c'est qu'il arrive à avoir un petit peu ce concept d'Inception, à t'implanter dans le cerveau des trucs que tu venais pas chercher au départ. Donc, ouais, c'est quand même un grand jeu. C'est un jalon. Et il y a un petit point aussi qu'on n'a pas trop évoqué pour le moment dans BioShock, c'est la gestion de la mort. Parce que dans BioShock, on meurt quand même relativement souvent. Et ça ? Moins que dans Dark Souls. Mm-hmm. Je vais me permettre de reparler un peu de Dark Souls, mais on meurt quand même relativement souvent et il n'y a aucun point de sauvegarde. De vrais points de sauvegarde, en tout cas, de trucs où on passe à côté, on sait qu'on a sauvegardé. Il n'y a pas ça dans BioShock. Il y a dans BioShock, par contre, des vitas chambres. Et parfois, on ne les voit même pas dans les endroits. Enfin, moi, souvent, je passais à côté, je ne les avais pas tiltés. Et quand on meurt, on revient dans cette vita chambre. Et c'est aussi un truc qu'on peut utiliser parce qu'on a les gènes d'Andrew Ryans, sinon les vita chambres ne marcheraient pas. Vous vous doutez bien que dans la cité de Rapture, les pauvres, eh ben, ils n'ont qu'à crever. Les seuls qui peuvent vivre, c'est Andrew Ryan ou Fontaine ou ceux qui ont payé pour utiliser les vita chambres. Voilà, bah on est toujours dans la philosophie, dans l'objectivisme, toujours. Voilà, c'est ça, à fond. Parce que sinon, ce serait trop facile. Effectivement, il n'y aurait pas de chromosomes dans BioShock, dans Rapture. Si tout le monde pouvait profiter des vita chambres, on n'en sortirait pas. Que dès que tu le butes, le machin y revient. Bienvenue en enfer. Oui. Mais ouais, là, du coup, on peut utiliser ces vita chambres. C'est-à-dire qu'on meurt, on revient dans cette chambre et grosso modo, tout ce qu'on a perdu, c'est les balles qu'on avait. Et je crois qu'ils nous prennent un peu d'argent, mais vu que l'argent dans le choc. Oui, il n'a pas une énorme utilité. Une fois qu'on a commencé à bien monter, on a modifié ses armes. Ouais, en général, ouais, j'ai pas beaucoup d'utilité avec l'argent. On achète peut-être 2-3 munitions de temps en temps, mais en général, on s'en sert pas des masses et on en trouve quand même pas mal. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de. C'est pas vraiment ce qu'on perd. Ouais, il n'y a pas une grosse pénalité quand on meurt, quoi. Et c'est une philosophie qui est assez marrante. Bah, on la retrouve, par exemple, là, je jouais à Mario 3D tout à l'heure avec mon fils. On la retrouve un petit peu dans Mario. Dans Mario, quand tu meurs, c'est pas grave. Mario, t'as une centaine de vies parce que ça se fait un petit peu facilement au début. Mm-hmm. T'es game over, tu fais continuer, bah, tu reprends là où t'en étais, c'est tout. Il n'y aurait pas de vie, ce serait pareil. Tout à fait. Et là, BioShock, ils te font ça, sauf que d'un autre côté, quand tu meurs, c'est pas pénalisant, mais c'est... comment on pourrait dire? Ça tape, enfin, ça t'apporte. Bah, déjà, ça tape sur l'ego. Hein. Moi, j'aime pas mourir, personnellement. Ça m'agace. Il faut arrêter mais, Ouais, alors Dark Souls m'a fait beaucoup relativiser sur ça d'ailleurs. C'est un peu le même principe finalement. Dark Souls, tu meurs, tu reviens à ton endroit et tu te dis pourquoi je suis mort et tu progresses. Et je trouve que c'est un peu ce côté-là aussi dans BioShock, c'est qu'il n'y a pas le côté pénalisant de mourir, donc il n'y a pas de frein à l'exploration. Tu te dis pas putain là si je meurs, je perds tout, puis il faut que je fasse gaffe tout le temps. En fait, t'as pas de frein à l'exploration, t'as pas de frein si tu veux être un bourrin et foncer dans le tas, bah t'y vas. Tu meurs, c'est pas grave, tu reviens, tu recommences. T'as pas vraiment de fin, t'as pas de pénalité si tu meurs, c'est que du plaisir d'exploration et de suivre l'histoire, t'es pas arrêté par ça. Et en même temps, t'as quand même le challenge de pas trop mourir, parce qu'il faut pas déconner, quoi. Donc c'est intéressant, cette gestion-là, vraiment, qui n'est... l'autre endroit où j'ai retrouvé, effectivement, t'as Dark Souls, où tu dis, ouais, tu meurs souvent, machin, mais au final, c'est pas extrêmement pénalisant. Au début, tu trouves ça pénalisant parce que t'as pas l'habitude, en fait, ça l'est pas tellement. Ou récemment, j'ai joué à Céleste aussi, qui est un espèce de petit platformer comme ça, très sympa. Mais je crois que je l'ai fini avec un compteur de mort à 500, quoi. Ah oui, mais c'est pas grave, tu meurs, tu recommences le tableau quelques pas en arrière, et puis c'est que de la bienveillance, entre guillemets. C'est difficile de dire ça avec 500 morts au compteur, mais jamais le jeu te pénalise ou te dit t'es nul, quoi. C'est ça. Que tu sois nul ou pas, bah, tu peux faire BioShock, c'est facile. Tu peux y arriver, c'est accessible. Ouais, et puis c'est ouais, c'est ça, tu peux y arriver, c'est vraiment le jeu qui dit non, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver, c'est pas grave, t'es pas puni quand tu meurs. C'est ça. On n'est pas des salauds. Donc le jeu qui te dit, vas-y, tue des petites filles, c'est bien, en même temps tu dis, mais non, on n'est pas des salauds, vas-y. Et c'est, ouais, je sais pas, il y a un truc dans BioShock où ouais, t'es poussé vers l'avant gentiment, quoi. Non, ça fait, de ce côté-là, le jeu est bien, il est très très bien dosé aussi. Franchement, c'est parce que c'est vrai qu'il y a des jeux, ils veulent tellement être purs dans leur gameplay, dans leur façon d'être, d'exister, qu'en fait, des fois, il faut prendre un petit peu le joueur par la main, l'aider un petit peu, pas non plus tout lui mâcher. C'est-à-dire pas non plus faire dans la facilité parce que tu perds tout intérêt, mais et je trouve qu'il guide assez bien les joueurs, quel que soit le niveau. Ouais, enfin sans vraiment guider en fait, parce que le jeu te tient pas par la main, mais il te dit par contre si tu meurs, c'est pas grave, quoi. C'est ça. Et tu C'est pars. comme tu peux faire avec un gamin qui fait du vélo, quand il tombe, tu dis bah c'est pas grave, tu remontes, tu recommences. Tu lui tiens pas par la main, tu lui mets pas des petits trous, mais tu l'aides. C'est ça. Et BioShock, c'est un peu ça, c'est pas le tuto de 3 quarts d'heure qui t'apprend à pas mourir, non. Tu meurs, bah c'est pas grave, tu recommences. Et c'est ouais, c'est une autre façon de voir le jeu, mais c'est quand même très très agréable. Donc voilà, je pense que tout le monde aura compris qu'on aime beaucoup BioShock et que BioShock, et ben ouais, comme on a dit tout à l'heure, c'est un putain de jalon du jeu vidéo. Fait, ouais. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on le voit régulièrement popper sur pas mal de consoles. Enfin, ouais, c'est un truc. Là, il est sur Switch, je pense que je vais me le refaire sur Switch. J'ai les trois, mais ouais, c'est un petit truc comme ça que tu vois tout le temps. Il y a une bonne raison à ça. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah, si sur BioShock, je pourrais quand même dire il est sorti en 2007 à la base, et il y a une version remasterisée qui est sortie en 2016. Alors bon, il n'y a pas un écart énorme, Oui, parce visuellement que si je ne me parlant. trompe pas, la remaster, c'est celle qui est aussi sur Switch. Oui, tout à fait. Donc si ça tourne sur Switch, c'est que c'est du niveau PS3 à peine mieux, quoi. Voilà, mais bon, ce petit côté remaster, ça va donner un petit coup de neuf, un petit coup de propre, c'est un peu plus agréable visuellement, et ça permet aussi d'être en... Comment dire, d'être comment dire, à niveau vis-à-vis de BioShock 2 et de BioShock 3. Voilà. Ouais, c'est vrai que BioShock 3, c'est pareil, je l'ai sur PS3, et elle en chie de la PS3 pour sortir BioShock Voilà. Infinite. Donc, c'est... Comment dire, et en plus, si vous voulez vous faire plaisir, BioShock, il est disponible régulièrement sur des plateformes comme Steam à des prix très très avenants, quoi. Donc, il y a moyen d'acheter les trois. Quand il y a des promos pour vraiment, vraiment pas cher, quoi. Bah d'ailleurs, je crois que sur Switch, même en neuf, les trois sont pas très très chers et tu dois pouvoir les trouver d'occasion à 10 balles facilement parce que c'est quand même bien vendu, hein. Voilà. Ouais, là, ça dépend. Après, faut les trouver en. Comment ça s'appelle? En dématérialisé. Tu les as soit en dématérialisé. Je ne sais pas si les trois sont sortis en Alors, plein. sur Switch, en fait, là, du coup, je peux le dire parce que celui-là, je l'ai sur Switch aussi. C'est que tu as la cartouche avec, je crois qu'il y a le 1 dessus. Et le 2 et le 3, il faut les télécharger. Ils sont en démat, ils n'existent pas vraiment en cartouche. D'accord. Donc c'est un peu le problème. En plus, comme c'est des gros jeux, ta Switch avec ta petite carte SD dedans, ils disent ah, ils t'en font une plus grosse. Donc ça, c'est le côté un peu agaçant de la Switch, mais elle a tellement de côtés pratiques finalement que. Bon, puis c'est un petit plaisir de pouvoir jouer à BioShock à peu près n'importe où, quoi. C'est vrai. Et donc, bon là, il est un petit peu cher en ce moment, hein. Si tu veux les trois sur Steam, c'est 60 euros. Mais si tu attends, oui, si tu attends, il y a souvent, chaque année, il y a quasiment une promo où tu peux l'avoir en comment ça s'appelle? Tu peux l'avoir à un prix très intéressant. Tu te mets une Ouais, bah alerte comme pas mal. dessus et tu attends Parce que qu'il j'allais dire, passe, voilà. quand tu suis les trucs sur Steam, GOG ou Epic, tu vois vite passer des bonnes affaires, quoi. Mais bon, c'est du démat. D'accord. Et j'aime un peu moins le démat quand même. J'aime bien mes petits boîtiers PS3 et les avoir à la maison. Moi, je me suis bien habitué au démat, éviter d'avoir déjà, j'ai plus de lecteur CD sur ma machine. Voilà, ça commence. Ouais, bah moi aussi, ouais, j'ai plus de lecteur CD, donc le démat, je m'y mets pour le PC, mais pour les consoles, Et puis, ça j'ai pas m'embête de un peu. console, donc voilà, problème réglé. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Bah, c'est vrai que maintenant j'ai tendance à jouer beaucoup plus sur le PC, ceci dit. ben, c'est. J'ai toujours été Bah PC, donc. c'est la joie d'avoir des enfants. Tu joues plus facilement sur le PC ou sur la Switch et tu leur laisses les dessins animés à la télé. C'est ça. Et ça sent quand à partir du moment où tu vis plus tout seul, hein, c'est ce qu'on disait par rapport à l'objectivisme, hein, c'est quand ton seul objectif, c'est pas juste toi, bah, faut trouver des alternatives. Tout à fait. Bon, bah, je crois Enfin. qu'on a fait à peu près le tour. Ben ouais, écoute, si on veut parler un petit peu du film BioShock qui aurait dû se faire en 2009, je crois, par comment il s'appelle? Le réalisateur de Pirates des Caraïbes. Gore Verbinski. Gore Verbinski, voilà, qui aurait dû faire un BioShock et c'était très très bien avancé. Sauf qu'à un moment, les studios lui ont dit, oui, mais par contre, là, tu nous as pondu un film R, on veut pas un film R-rated, surtout un film de 2h30, donc faut que tu fasses autrement. Et il a juste dit, ben non, en fait, fallait lire le scénario de BioShock dès le départ, je peux pas vous faire un truc PG-13 ou tout public avec BioShock, c'est impossible, fallait lire le truc dès le départ et pas me faire perdre mon temps, et il est parti. C'est ça. Mais bon, si. Mais on peut saluer le courage d'avoir fait ça, parce que de toute façon, effectivement, un BioShock PG-13, ce ne sera pas possible. Non, en dessous d'interdit au moins de 16 ans, ça peut pas passer, quoi. C'est. Ben, si, chez nous, ça pourrait passer en moins de 12, parce qu'on aurait peut-être entre guillemets, des monstres en latex, voilà. Mais par contre, au niveau des thématiques, parce que les commissions de censure aux États-Unis voient aussi beaucoup les thématiques et ce genre de choses, ça passera jamais. Ou alors, t'enlèves les trucs qui font vraiment l'intérêt Et de qu'on est un peu BioShock et plus t'as plus souple au BioShock. niveau de la violence, mais malgré tout, la violence telle qu'elle apparaît dans BioShock, moi, je pense qu'on est plutôt sur un interdit au moins de 16 ans, hein, au bout d'une certaine limite. Oui, je pense qu'on peut adapter BioShock sans bousiller du chromosome à l'appel. Oui. Mais par contre, les thématiques avec les petites sœurs ou les Big Daddy, t'es obligé de les avoir. Sinon, là, t'es plus dans un BioShock si t'as pas une thématique. Mais je trouve que ce serait peut-être plus intéressant en série, parce qu'il y a tellement à faire que 2h30, c'est Ben, en peut-être trop plus, court. c'est ça, une série, ça pourrait. Genre saison 1, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au point du Nouvel An 59? Saison 2, l'arrivée de Jack. Saison 3, la saison avec ce qui se passe dans BioShock 2. Ouais. Quitte à boucler avec BioShock Infinite, parce que, bon, BioShock Infinite, je ne l'ai pas fait en entier, mais j'ai quand même vu pas mal de trucs dessus. Apparemment, BioShock Infinite se termine avec le début de BioShock 1. D'accord. Donc la boucle serait bouclée. Mais, bon. C'est vrai qu'en série, ça pourrait avoir son truc, mais pareil, il faudrait une série avec un réalisateur qui aurait le courage de dire, bah là, on va faire un truc un peu pointu quand même. Puis ça implique du budget aussi, parce que là, Ouais, je pense, y a parce du décor, que. y a du boulot, quoi. Voilà. Si tu fais un faux rappure en fond vert un peu dégueu, Ça va pas bon, passer, voilà. ça va pas le faire. Mais ouais, le film est quand même passé pas loin de se faire en fait. Mais encore une fois, les studios qui ont demandé le film n'ont jamais touché au jeu et ont C'est été ça. très surpris que ah mais c'est violent. Oui. Et le problème, c'est Eh oui. qu'ils sont attirés par comment dire, la comment dire, L'oseille. plus précisément, ils sont attirés par comment dire, ils sont attirés La par hype, parce que tout le la monde parle hype d'un truc, ça par les le amène. public. Ils disent, on va essayer de rameuter le public de BioShock, mais on va pas mettre tous les éléments qui a pu les attirer dedans. Bah non, bah ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Ça, ils n'ont jamais compris quand ils adaptent un film. Ah, on va tirer des trucs qui nous plaisent pas. Ouais, mais c'est ça qui plaît aux gens, en fait. Ben c'est ça, voilà. Un petit peu le Mortal Kombat 2021, tu vois. Comme tu. C'est l'inverse, Mortal Kombat, ils se sont dit, ouais, non, ce qui plaît aux gens, c'est le sang et tout, vas-y, on va leur foutre ça. Ouais, Oui. mais on a bien quand même que le film se tienne, parce que bon. Là, il y a des limites à la connerie, quoi. Il y a deux, trois trucs sympas dans le Mortal Kombat 2021, mais globalement, c'est. Ah, je suis pas allé au bout. Ah, ouais, j'étais au bout, mais déjà, quand on te présente un méchant original de Mortal Kombat, quand même, Kano qui est méchant depuis le premier Mortal Kombat, c'est un méchant. Et là, on te le met dans le camp des gentils au début, tu dis, oh, vous foutez de ma gueule ou quoi? Enfin, non. Connais, merde. Eh, je veux bien, c'est pas du Shakespeare, Mortal Kombat, mais t'es pas obligé d'être plus con encore, hein. C'est ça. Voilà, petit coup de gueule vite fait sur Mortal Kombat 2021. Mais voilà, bon, à côté de ça, t'as des gens qui réalisent Willy Wonderland et c'est merveilleux. Il y a Et encore des paf! choses. Je l'ai cité. Ben voilà, je pense que sur ces bonnes paroles, finir avec un film de Nicolas Cage, c'est du grand art, il n'y a pas à dire. Voilà, voilà. Et qui vient juste de sortir en Blu-ray d'ailleurs, hein, le 2 novembre. Voilà, faites-vous plaisir, pas cher. pas cher, si, un peu quand même, vu qu'il vient de sortir, il est encore à 25 balles, mais bon. Peut-être que les gens vont se faire avoir. Ah non, mais il les vaut, ils vont pas se faire avoir, le film, mais bon. Voilà, voilà. Mais bah, sur ces bonnes paroles, hein, je pense que... On va clôturer. Vous pouvez jouer à BioShock. Ah oui, jouez-y. Jouez-y, ouais. Faites-vous plaisir. C'est vraiment, c'est une expérience qu'il faut... Là, c'est même pas jouer ou parcourir, c'est une expérience qu'il faut vivre, BioShock, parce que clairement, on la vit. C'est pas un jeu qu'on va faire comme ça et qui va pas rester. Hein. C'est pas... Je sais pas, des jeux qui se parcourent comme ça en 2-2, il y en a plein, hein, mais celui-là, il va rester, il va marquer. Et sinon, ben, pour compléter, y a plein de vidéos, il y a plein d'autres personnes qui ont déjà parlé de BioShock, vous pouvez regarder. Puis oui, mais moins bien. Oui, moins bien, c'est vrai. Bon, t'as à part Alt 236. Il va falloir qu'il nous file un billet, celui-là, hein, on lui a fait trop de... Ouais, putain, cet épisode-là, on va l'appeler Alt 236, le podcast. C'est ça. Oh, je suis presque jaloux, c'est lui qui faisait la voix pour le lancement d'Elden Ring là, l'autre jour. Oui, j'ai lu ça sur Twitter, effectivement. Hein. Et quel talent celui-là. Ah, c'est fou. Hein. Mais oui, la vidéo d'Al 236, le livre chez Sœur d'édition aussi, vraiment très très bien. Il regroupe les trois Bioshock, il nous explique bien les tenants et aboutissants de la série qui, au final, se révèle, comment on pourrait dire, j'allais dire très complète, non, elle l'est, ça on s'en rend compte dès le premier, mais qui est vraiment bien bien structurée, malgré que le 3 puisse un peu compliquer les choses avec des univers parallèles. Mais ouais, le livre était très très bien, le livre de chez Sœur est très très bien, il vaut vraiment la lecture. Sur ces bonnes paroles... Et ben voilà, vous avez des trucs à jouer, des trucs à lire, des trucs à regarder... Voilà. On ne peut pas faire mieux, là. Niveau reco, cette semaine, on est à fond. Et en plus, c'est bientôt Noël. C'est vrai, c'est vrai. Je dis ça, je dis rien. C'est le moment de se faire plaisir. Voilà. Vous dites à Papa Noël, moi, je veux la totale BioShock. Et, bon, déjà, vous avez de la chance, Alt 236, c'est gratuit. Exactement. Et voilà. Et puis, bah, du coup, moi, pour le coup, on va reprendre Nostalgique. Alors, un rythme tranquillou, tranquillou. Mais ça repart, Cryptcast, ça va repartir, les pastilles vont reprendre aussi un petit peu très bientôt, peut-être que ça aura déjà repris quand je vais publier. Et Podcorn, on est encore sur un petit... on temporise hein, sur Podcorn, pour l'instant c'est pas facile. Mais voilà, en tout cas, hop, on revient dans la place. Là, c'est parfait. Et justement, on se remet en jambes avec un petit podcast sur BioShock, avec le corbeau. La vie est belle. Exactement. Voilà, et bah tiens, tant qu'on te tient, toi le corbeau, où est-ce qu'on peut te trouver, toi, de temps en temps? Sur mon compte Twitter, tu postes les pastilles que je t'envoie, des petites pastilles de 2 minutes sur des films que j'ai vus. J'essaye d'être le plus, entre parenthèses, éclectique possible, de pas... Bon, je reste dans le cinéma américain très souvent, mais j'essaye de faire des... Ouais, des films. Tu nous as pas encore fait les TM6 de Noël, hein. Non, c'est vrai, mais j'essaye de faire des films qui sont pas, dont on parle pas trop. Voilà, il y a plein de choses des fois dont je voudrais parler, mais bon, comme il y a souvent des personnes qui l'ont fait mieux que moi et avant moi, ben, j'essaye de trouver autre chose. Donc les films que j'ai pu voir, revoir, voilà, c'est un peu, il y a pas vraiment de ligne directrice, c'est un peu au feeling. Voilà, quand je le sens, je fais une petite pastille de 2 minutes. Voilà. Bah, y a quand même une petite ligne directrice, c'est que t'es comme moi, tu parles plus facilement des films que tu aimes que des films que tu n'aimes pas. Exactement. Quand même. Et c'est quand même appréciable de parler des films qu'on aime et de partager sur ce qu'on aime plutôt que sur ce qu'on n'aime pas. Oui, mais des fois, je me fais un petit peu mal quand même. Voilà. Oui, bah t'aimes te faire mal, si tu veux. Chacun son truc. Faut croire qu'on est pareil. Hein, mais voilà. Et de temps en temps, on trouve aussi chez les Berserker Media Chronicle, non? Oui. Je suis pas toujours présent, mais là, on en a enregistré un il n'y a pas très longtemps. Il est en cours de montage. Alors, ça peut être long parce que bah, tout le monde est très occupé. Hein. On a tous une vie, malheureusement. Oui, bah, j'ai vu le dernier sur les seconds couteaux. Je me disais, tiens, il ne va jamais sortir. On a dû faire une connerie sur l'enregistrement. Ouais, non, il est là. Il est là. Et on en a enregistré un il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que je ne suis pas aussi présent que je voudrais l'être. Et puis des fois, quand on enregistre, puisqu'on enregistre souvent le samedi, ah bah après une semaine de boulot et tout ce qu'on a fait le samedi, moi à 11h, il n'y a quasiment plus personne. Quoi. C'est... Voilà, j'atteins c'est déjà bien de tenir jusqu'à 11h. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la vie. C'est comme ça, on se fait vieux. Ouais, on se fait vieux. Enfin, surtout moi. Ah oui, bah oui, j'osais pas te le dire, mais effectivement. Bon, mais écoute, c'est très bien. Maintenant, nos chers auditeurs sauront où te trouver, même je suppose que là, la plupart le savent déjà. Oui, les 2-3 personnes qui m'écoutent de temps en temps doivent le savoir. Ah, on fait plus que 2-3 écoutes quand même. Ah, mais là, je parlais pas pour toi, je parlais pour moi, tout court. Ah oui, oui, bah oui, toi déjà, s'il y a 2-3 personnes qui t'écoutent, c'est bien. Ouais. Déjà, même ma femme m'écoute pas, alors t'imagines. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre que même ta fille t'écoutait pas spécialement. Alors c'est bon. Ça, personne m'écoute, je suis seul. Ah, mais si, moi je t'écoute, tu sais. Ça me fait chaud au cœur. Bah oui, il faut bien soutenir. Hein. Ouais, comme la corde soutient le pendu. Hein, ouais. Exactement. Bon, bah sur ce, on va vous dire à tous à une prochaine fois. Hein, puis, on se retrouve très bientôt. Une bonne soirée si vous écoutez ça le soir, une bonne matinée si c'est le matin. Voilà. Et un bon midi, si c'est le midi, on n'est pas sectaire. Voilà. Tant que vous jouez à BioShock et que vous êtes content d'écouter, nous, ça nous fait c'est plaisir. Le principal. Voilà, et puis si vous voulez en parler aux copains, allez-y. Hein. N'hésitez pas. Plaisir aussi. Plus il y a d'écoute, plus qu'on est content. Et plus on a d'argent. Ah non, ça toujours pas. Merde, c'est vrai. Merde, bah oui, ça rapporte pas lourd. On n'est pas Magellan, nous. Hein. Mais non. Et paf. Olive. Bon, et bien sur ce, à la prochaine. À la prochaine, salut. Ciao. Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Une mauvaise nouvelle? La peine capitale, ici à Rapture, quelle abomination! Tout doux, ma belle. Les seuls qui risquent la peine capitale ici, ce sont les contrebandiers qui mettent en péril tout ce que nous avons construit. Qu'arriverait-il si les Russes ou le gouvernement américain découvraient l'existence de notre paradis? Notre secret est notre seule protection. Tu as raison. Quelques exécutions sont un faible prix à payer pour protéger toutes nos libertés. Je préfère entendre ça, Marie.